À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les conférences, séances de lecture, colloques et séances de films ont eu lieu en Angola, en Guinée et en Éthiopie. Aux séances de films, on a projeté le documentaire coréen Avenue des scientifiques Mirae. Y ont pris part les personnalités et les habitants des pays hôtes. Les orateurs y ont indiqué que Son Excellence M. Kim Jong-il a édifié le Parti Travail de Corée en organisation politique révolutionnaire du type Juche et a transformé la Corée en puissance militaire invincible et pays détenteur du nucléaire.